Je Ben, sauvegarde. laisse-moi voir si je peux l'enregistrer. Recorder launched. OK. Ouais, je pense que c'est en enregistrement. C'est bon. Cool. Super. Oui, c'est encore vous parler. Sentez bien comme s'il y avait l'énergie qui rentre au niveau du cœur. Hein. Et ça m'a fait plusieurs fois ces derniers jours où ça rentre à l'intérieur, s'enfoncer en profondeur. Comme si tout d'un coup l'énergie rentrait à l'intérieur en profondeur. Ouais, puisqu'on focus à l'intérieur, moins notre énergie se disperse, donc ça peut vraiment occasionner ça. C'est vraiment, au niveau sensoriel, entre guillemets, sensoriel, c'est très agréable. Il y a vraiment un sentiment de. C'est très agréable. C'est très Alors, c'est agréable. très. Donc quand c'est agréable, c'est une bonne opportunité pour voir qui trouve ça agréable. Qui a une préférence pour l'agréable plutôt que le désagréable? Ça, c'est seulement un conditionnement, toutes les préférences sont des conditions. Le soi n'a pas de préférence, n'a pas de préférence par rapport à l'agréable et le désagréable. Donc, quand les choses sont désagréables, c'est l'invitation de regarder ce qui est derrière, peut-être nous appelle plus parce qu'on veut se libérer du désagréable, mais quand le agréable est là, ah, on s'est joué. Donc, tu peux voir, plus qu'on observe ces comportements et ces conditionnements-là en nous, plus qu'on remarque cette tendance-là à vouloir plus de l'agréable, se débarrasser du désagréable. Oui, ça c'est le truc où Mais je. c'est normal, je veux dire, dans la nature, les sensations, le plaisir qui vient en mangeant, avec toutes les expériences, je veux dire, le côté humain relatif, c'est ça qui motive le mouvement de l'humain. Le plaisir, puis éviter la souffrance. Sauf que si on donne trop d'attention à ça, on s'y perd. Le soi n'est pas humain. Le soi n'a même pas de relation avec l'humain. La toile blanche du cinéma permet la projection, mais n'a pas d'interaction avec. C'est pour ça que moi, c'est bien important de revenir à ça, parce que des fois, les gens disent, ah, mais on a un corps. Qui a le corps? La conscience a le corps? Donc, pour moi, c'est bien important de rappeler ces choses-là qui sont très subtiles, mais qui sont pour moi fondamentales. C'est vrai que l'identification au corps est quand même quelque chose de très très fort. Très fort. On en parle et je perçois un peu comme il est puissant. Presque, pas hier, c'est presque tout puissant. C'est pas tout puissant parce que c'est quand même très puissant. Ben, les instincts même biologiques de réaction au de réflexe à ce qui se passe dans l'environnement, je veux dire, ça disparaît pas quand il y a la réalisation de ce qui est plus profond. C'est juste qu'il y a plus, ça cesse de nous hypnotiser, puis ça cesse d'être plus que ça. C'est juste des instincts, c'est juste, pour moi, je dis, tout dans le manifeste est conditionné. Tout dans le manifeste est conditionné. Mais ce n'est pas qui on est. Le rappel, c'est qu'on n'est pas cela. On n'est pas cela. Mais tout aussi longtemps qu'il y aura un corps et un esprit, Peut-être même Ramana, il n'y en avait presque plus, mais pour moi, même, il y a des choses culturelles que je reconnais que pour moi, je ne m'associe pas. Pour moi, Ramana est l'exemple que j'utilise le plus souvent, quasiment. J'utilise Annamalai aussi, mais pour moi, je vois aussi encore des choses un peu culturelles auxquelles moi, j'ai pas de résonance. J'en ai une, par exemple, l'alimentation végétarienne. Ils suggèrent au monde d'avoir une alimentation végétarienne et d'avoir une alimentation sattvique. Pour moi, je fais très attention de dissocier les deux parce que facilement, les gens se perdent. Pour moi, c'est focusé complètement sur l'investigation de soi et puis le conditionnement, c'est secondaire. Ça ne veut pas dire que les choses éthiques et morales n'ont pas leur place, mais qui les suit, ces règles-là, ces choses morales-là, pour moi, je veux dire, l'alimentation végétarienne est là par mon conditionnement, pas parce que je dois suivre un mode de vie qui est meilleur. C'est mon conditionnement. Puis Moji qui mange la viande, c'est son conditionnement. C'est juste deux conditionnements, mais faut voir, est-ce qu'il y a une identité derrière ça? Est-ce qu'il y a un jugement de l'autre? Faut focusser sur soi, vraiment. C'est vraiment un chemin d'investigation de soi. Moi, ce qui me concerne, je suis pas, je mange moins de viande qu'à une époque, mais je mange toujours de la viande. Ce qui me concerne. Pour moi, la façon que je mange, ça n'a aucun impact sur qui je suis. C'est sur le corps, je peux constater des impacts. Il y a certaines choses lorsqu'ils sont mangés que le corps est plus lourd, d'autres, des réactions. Il peut avoir une maladie, mais le soi n'est jamais malade, le soi n'est pas affecté en aucun moment. Donc, quand on est débutant, et puis peut-être que ça peut faciliter la reconnaissance. Je peux envisager que ça peut jouer un rôle, mais pour moi, je dis juste peut-être, dans certains cas, je ne le mets pas comme une règle parce que rapidement, on se perd là-dedans. Puis pour moi, c'est même pas mon expérience. Pour moi, c'est même pas mon expérience. Je mangeais principalement comme ça. Ça arrivait des fois que je mangeais de la viande, puis je voyais pas que ça faisait aucune différence dans mon cas. Donc, selon mon expérience, ça fait aucune différence. Comment ça se fait que, là c'est un autre sujet, que, entre autres, quand des fois on échange, Ah, ça Ça coupe. Ça coupait un peu. Des fois, on échange. déjà arrivé quand on échange, la sensation que l'énergie rentre à l'intérieur, si tu veux, et c'est comme si j'allais plonger dans un sommeil, si tu veux. Qu'est-ce qui perçoit le plongement dans le sommeil? J'ai envie de dire la conscience, comme si la conscience voyait. La question est posée sans attendre d'une réponse, parce que toute réponse, ça peut être au mieux qu'une description de... L'important, c'est de revenir à ces questions-là. Donc, tu dis, et la dernière fois qu'on s'est parlé, tu as remarqué qu'il y avait un genre de sentiment d'être plongé dans un sommeil. Mais c'est perçu, c'est constaté. Oui. Qu'est-ce qui constate cela? C'est là, mais est-ce que ça a un âge? Est-ce que c'est Fabrice? Est-ce que ça a une histoire? C'est s'intéresser à ça. Puis peu importe la conclusion qui va en venir, l'important de ces questions-là, c'est juste de réorienter le focus. Parce que là, le focus est sur je plonge dans le sommeil plutôt que qu'est-ce qui perçoit ça. Qu'est-ce qui perçoit ça? C'est subtil et c'est le fond, l'arrière-plan de Faut pas couper. conscience. Ça coupe? Oui. Là, c'est reparti, là. C'est bon, apparemment. Parfait. C'est bon. Et comment? Donc, plonger dans le sommeil, c'est une expérience et ça a sa place. C'est très courant dans les satsangs. Quand on est dans un exposé à une nouvelle façon d'orienter le regard intérieur, il y a beaucoup de phénomènes qui peuvent venir. Donc, de s'endormir, c'est quelque chose qui est très courant dans les satsangs. Il y a ça peut être même une résistance du mental d'éviter de regarder plus profondément. On peut trouver plein de raisons de pourquoi, mais moi, je dis que ces phénomènes-là, c'est pas un problème. On fait juste les utiliser. Il y avait une femme qui venait en satsang et puis elle avait beaucoup de résistance à s'endormir parce qu'elle voulait être certaine de pouvoir entendre tout ce qui était dit. Mais moi, je lui disais, non, il n'y a pas de problème. Si on sent endormi, on se couche. Et puis, lorsqu'on est plus reposé, après ça, c'est plus facile le mental est peut-être plus reposé. Ça va être plus facile de se concentrer puis de regarder par la suite. Donc, des fois, on est tellement habitué de rester stimulé par nos pensées que ça nous garde éveillé, mais lorsqu'on cesse de leur donner notre attention puis on regarde plus profondément, il peut y avoir beaucoup de relaxation et puis le corps va juste tomber dans un sommeil. Mais quand on voit qu'on est en train de perdre la conscience, on est en train de perdre la conscience, on voit qu'est-ce qui perçoit ce changement-là de perte de conscience ou d'accentuation de conscience. Il y a une augmentation et une diminution, une augmentation quand on s'éveille. Ah, on est de plus en plus conscient de ce qui nous entoure. Ah, on s'est réveillé. Et quand on s'endort, il y a une perte. Mais il y a quelque chose de contenu. Il y a une constance dans l'augmentation et la diminution de conscience. Il y a une constance dans cette inconstance. Donc, il faut essayer de distinguer cela et de rester avec ça. Et puis, de couper son attention avec le reste qui change. Puis là, de plus en plus, on va avoir l'aptitude de rester avec la constance dans l'inconstance. Et puis quand on s'ancre dans la constance, ça va être vu avec plus de clarté que toutes ces choses-là sont volatiles, c'est juste des bulles. Et on n'a plus besoin de changer les bulles. Les bulles vont s'harmoniser avec l'océan et puis plus de paix, plus de paix, plus de paix, de plus en plus de paix. Les choses qui nous limitaient vont nous quitter sans même qu'on le souhaite parce qu'on est déjà libre. On est la constance. On est l'océan pur, parfait. Et cette constance-là, c'est pas quelque chose de nouveau. C'est juste que on est habitué de remarquer le mouvement. La constance, bon, à quoi bon? À quoi bon? À quoi ça va? Qu'est-ce que ça va me donner? Mais c'est le mental qui dit, ben là, le silence, c'est pas productif. Mais c'est le silence, c'est la source de tout. C'est ce qui permet à toute cette activité d'être là. Mais parce qu'on est hypnotisé par l'activité, la source, elle est perdue de vue, si je peux dire. On l'oublie. Justement, par rapport à ça, c'était hier, Michel Tavara, qui parle beaucoup du je suis, la fameuse je suis. Je suis beaucoup interrogé, qu'est-ce qu'il entend par je suis, par. Je vais te dire, moi, d'après moi, ma compréhension, parce que maintenant, Srini Sarayata, je ne lis plus tant que ça, je résonne plus avec Ramana et Annamalai. Tu m'as dit que tu lisais un livre d'Annamalai. C'est quoi ce livre-là en passant, juste pour savoir? Le dernier, c'est ça. Ah, c'est les derniers enseignements, c'est tout ça? J'en ai deux, attends. Excuse-moi. Ouais, voilà. Ouais. Mais, alors, j'en ai un troisième, mais je ne sais pas où il est le troisième. Alors, si. Alors, en français, la corde et le serpent. Ah, ok. Et après, il y en a deux autres. Alors, j'en ai un autre, mais je ne sais pas où il est l'autre. Peut-être, je ne sais pas trop. Il y a deux tomes. Voilà, tu vois. Il y a une vie auprès de Ramana Maharshi. Là, c'est plus anecdotique, où il raconte sa vie puis la vie de Ramana, un peu. Mm-hmm. Pas mal de photos. Et l'autre, il y en a un autre où c'est des questions aussi, mais d'ailleurs, j'ai même dit faire chez Montarage. Ouais, mais je ne sais pas où je l'ai, l'autre. Mm-hmm. Mais surtout, c'est la corde et le serpent, et puis celui-ci, où j'ai un peu découvert un petit peu... La 16 et ce que les indications que lui donner Ramana à part son mode de vie, ce qu'il a vécu, etc. Oui. Parce que au ashram de Ramana, j'ai eu accès au livre, ses derniers enseignements. C'est un petit livre de 100 pages et puis je partage, mais c'est en anglais, là, je partage de ses citations, et puis c'est vraiment puissant. Parce que Srinivasagata Maharaj, il utilise un langage un petit peu différent. Il utilise un peu moins les termes officiels d'Advaita. Donc, des fois, c'est d'après moi. Et puis, de mon expérience, le je suis, c'est le témoin. C'est la présence. Le témoin, la présence, différentes appellations. Le ressenti d'existence, le ressenti d'existence, si je peux dire comme ça, c'est donc, ouais. Tu vois, tu dis, tu parles du ressenti d'existence, c'est justement ce que j'ai ressenti justement pour le coup. Justement un ressenti d'existence, mais différent, plus, je ne sais pas expliquer. C'était ça. Si vous devez le définir, c'est ça, un ressenti d'existence. Et ce truc-là qui était là, qui a duré un moment, qui était, bizarre. Ah, c'est ça, si tu veux. Là, c'est ça le. C'était bon, c'était à la fois très simple et un ressenti d'existence. Et présentement, où est-il ce ressenti d'existence? Mais tu sais pas que tu existes présentement? Comment tu le sais? As-tu besoin de savoir où tu existes? As-tu besoin de penser ou c'est reconnu? Comment est-ce reconnu? C'est reconnu là par... par le corps. Par le corps. Mais c'est pas trop important comment ça se produit, mais présentement, juste être avec le la reconnaissance d'exister. Puis même touche pas l'idée d'exister en tant que corps, mais c'est juste laisse de côté toute association avec quoi que ce soit, juste de reconnaître que l'existence. C'est comme si à ce moment-là, il y avait quelque chose d'un peu miraculeux. Miraculeux? Oui, c'est comme si quelque chose d'un peu miraculeux finalement, que ça existe. Je ne sais pas si tu vois. Il y a quelque chose de miraculeux que ça existe, je suis pas sûr de comprendre. Oui, le fait qu'il y ait ce ressenti-là, que ça existe, qu'il y ait existence, c'est comme si c'était quelque chose de miraculeux finalement. Ça pourrait ne pas exister, mais ça existe. Waouh! Ben, il y a plein de concours. Ben, tu vois que ça, c'est toutes des descriptions qui sont rajoutées en plus au ressenti. Le ressenti ne dit pas que ah, ça, c'est comme ci, comme ça compare pas, c'est pas, ça fait pas de... Tu vois qu'il y a une association d'interprétation à rajouter dans ce que tu dis, non? Oui, surtout que, oui. Surtout que pour l'expliquer, il y a besoin de créer un langage, il y a des choses. Oui, il y a rajout. Je vois qu'il y a un pas de plus. Il y a le pas de plus pour. OK, mais là, je vais te poser une question. Ce qui est reconnu, cette existence-là, peu importe comment tu l'appelles, tu peux trouver le mot qui te convient. Est-ce que c'est quelque chose de nouveau? Est-ce que ça peut être constaté pour la première fois maintenant, mais est-ce que c'est quelque chose de nouveau? Non, c'est pas nouveau. C'est nouveau dans la perception, enfin dans le ressenti. Mais c'est pas nouveau. Non, c'est pas nouveau. Non. Donc c'est ça, d'après moi, c'est ça le je suis ou le I am ou le témoin, de rester avec ça, puis pas d'associer cela avec quoi que ce soit. Pas d'associer ça parce que tu peux voir qu'il peut avoir un mouvement de ressenti qui accompagne ça, beaucoup d'un mouvement de pensée qui accompagne ça, mais ça, c'est... Continue. De rester avec le je suis, parce qu'on se laisse, on se laisse, on distraire par plein de trucs, peut être perdu à certains moments, mais ça, à chaque fois qu'on y revient, est-ce que c'est absent? Non. Ah. Voilà, donc là, quand ça c'est vu, donc il y a un choix. Le choix, c'est de rester avec le je suis, puis de ne pas s'associer avec rien qui apparaît et disparaît. Ça, à chaque fois qu'on y revient, c'est tout le temps là. Les pensées, si on essaie de voir c'est quoi la prochaine pensée, parce qu'on est alerte, puis on est en attente de la prochaine pensée, absolument, il n'y a rien qui vient. Et où sont les pensées? Où puis-je donc saisir les pensées? Les pensées sont pas continues, donc les pensées, on ne s'y associe pas. La variation des sentiments, des expériences, ça aussi, ça change. Donc, c'est ça, de s'ancrer dans la présence et puis de ne pas se laisser distraire par les autres trucs. Mais ça, je dis... Ça, c'est un ancrage dans le moment présent qui évite de se laisser distraire par les autres trucs. Mais je dis que ça, c'est juste la première étape. Parce qu'après ça, vous voir, c'est cette présence-là, c'est... Qu'est-ce qui perçoit cette présence-là? Qui suis-je? Est-ce que c'est ma présence? Qui possède ça? Est-ce que c'est... Donc, il faut continuer à creuser. Mais de rester avec le témoin, avec le je suis, avec le sentiment d'existence, ça évite de se laisser trop distraire. C'est comme un ancrage dans le moment. Mais éventuellement, dis qui est dans le moment présent? Qui est présent? Qui doit rester ancré? Qui doit pas se laisser distraire? Qui suis-je? Et puis, parce que si on se laisse trop, si on n'a pas l'habilité de calmer l'esprit, de regarder en profondeur comme ça va être juste trop subtil et ça va rester intellectuel. Puis, de rester plutôt avec le I am, ça va être plus effectif que de commencer à creuser trop rapidement. Vaut mieux s'ancrer dans le I am que de commencer à creuser si c'est trop subtil. On trouve un message qui n'a pas de sens, c'est intellectuel. Non, je sais pas, je dis juste des exemples. Ça va être à toi de voir dans ce que je partage où tu en es. Parce que pour moi, je dis la vérité crue et profonde dès le départ selon ce qui est perçu, mais quand l'habilité intellectuelle ou la maturité n'est pas là, certains trucs, si on essaie de jouer avec, ça va juste amener à plus d'activité, en fait. C'est pour ça que lui, il parle beaucoup du « remain with the I am »,« remain with the I am », mais à un certain point, il dit, à un certain point, le « I am » se dissout aussi. Et pour moi, ces pointeurs-là, de questionner ça, peuvent amener momentanément à cette dissolution du « I am », et après ça, ce qui est encore la source du I am, c'est d'aller à la source du I am. Quelle est la source de? D'où provient? D'où est né? Donc, ces questions-là, ça amène à continuer le questionnement. Parce que s'il y a toujours une recherche, s'il y a toujours en anglais, il y a une agitation. Puis l'agitation vient avec l'activité du mental, puis l'activité du mental vient avec l'interaction qu'il y a avec. Ça veut dire qu'il y a encore. L'attention n'est pas sur soi, l'attention est sur ce qui est en soi. Puis Annamalai, il en parle beaucoup. Il parle la même chose. C'est pour ça que pour moi, je l'utilise beaucoup comme référence. Il était, je pense, très longtemps avec Ramana, puis à un moment donné, il lui a dit, quitte le ashram, puis va pratiquer. Puis il a consacré sa vie complète. Puis je vois vraiment qu'il est un maître. Il est un maître dans la pratique. Et bien, par exemple, je peux juste lire un passage, le traduire en français. L'oubli de soi se produit lorsqu'il n'y a pas, quand l'enquête de soi cesse. Donc, l'oubli de soi se produit quand l'enquête de soi cesse. Donc, on doit enlever l'oubli de soi en faisant l'enquête. L'oubli et le rappel, ça fait pas partie de la destinée. Parce qu'il y en a qui disent, ouais, mais tout est destiné, même faire ne pas s'identifier. Là, il dit, non, notre part, c'est de ne pas s'identifier. Ça, c'est le seul choix qu'on a, de ne pas s'identifier. C'est quelque chose qu'on peut choisir moment par moment. Comme Ramana a dit, la seule liberté qu'on a, c'est de ne pas s'identifier avec le corps et les activités. Parce que quand on s'identifie avec le corps et l'activité, on oublie notre essence. La réalisation de soi est là, il y a la compréhension que le corps performe, tout ce que le corps performe est prédestiné, et la source de ça, c'est le soi. C'est comme l'exemple d'une lampe à l'huile. quand on oublie de mettre l'huile, le feu s'éteint. La raison qu'il s'éteint, c'est qu'on a oublié de mettre l'huile, puis parce qu'on n'était pas vigilant, puis ça l'a causé que la lumière s'éteigne. Donc, nos pensées étaient ailleurs. On ne s'est pas occupé de la lampe. Donc, à chaque moment, on a seulement un réel choix, d'être conscient de soi ou s'identifier avec le corps et l'esprit. Si on choisit le dernier, de s'identifier avec le corps et l'esprit, on ne doit pas blâmer Dieu ou que tout est prédestiné. Dieu ne nous a pas fait oublier qui on est. C'est notre choix. C'est à nous de faire ce choix à chaque seconde de ne pas s'identifier. Et donc, en quelque part, il dit que tout est prédestiné, puis les gens utilisent ça pour pas être responsables de leur propre cheminement spirituel. C'est une belle philosophie qui nous donne un passe-droit à faire quoi que ce soit parce qu'on est libre, on est la conscience pure. Mais c'est une croyance et c'est qu'une philosophie. Les gens continuent à souffrir, ils ne sont pas vraiment libérés. Le passage que tu cites, justement, il est dans celui-là. Ça m'a frappé, justement. Il dit là, très fin. Oui, pour moi, ça m'a, j'ai raisonné beaucoup avec ça parce que quelqu'un m'a posé la même question et puis j'ai répondu un peu différemment. Et puis je vois, je résonne même plus avec ce que dit que même ce que j'avais répondu parce que j'ai dit que ben oui, même la raison, je veux dire, une fois qu'on sait puis qu'on a goûté, là, le choix est là parce que tout aussi longtemps que l'accès à cet enseignement qui permet de voir ça pour soi, ah, c'est pas actualisé. On réalise pas qu'il y a un choix. C'est pas vu, c'est pas constaté. On est dans l'ignorance. Donc, c'est seulement une fois que ça s'est vu que là, le choix est là. Mais par rapport à que l'effort soit fait ou non pour ne pas s'identifier, de dire que ça aussi c'est prédestiné, c'est très facile. C'est très facile de dire ça. Ça nous met beaucoup plus en puissance de dire, regarde, maintenant j'ai vu, c'est à moi. Est-ce que je vais me laisser avoir par le pensée puis par le corps qui est limité, qui va maintenir la souffrance ou je vais aller à fond puis je vais m'engager complètement pour que je sois complètement libre, parce complètement libre. Il y a un auteur qui me touche aussi beaucoup. Je sais pas si tu, il y a des vidéos de lui. C'est le condisciple de Nisargadatta Maharaj, c'est Rajiv Maharaj. Est-ce que tu connais? Il est un peu moins connu. Ça te dit quelque chose, Rajiv Maharaj? Peut-être, ça me dit quelque chose. Mais je pourrais le marquer, prendre en note et regarder. Comment qu'on l'écrit? Oui. Tu peux me l'écrire en bas. Oui, je peux l'écrire maintenant? Ah oui, s'il te plaît. Je te suggère vraiment de regarder les vidéos. Vraiment, vraiment. Il est venu en France. Je l'ai raté. Maintenant, il est plus incarné. Si vous voulez. Quand Nisargadatta Maharaj est décédé. Je peux le faire uniquement quand on décrochera. Je ne sais pas faire. Attends, peut-être. Je sais pas. Oui, c'est bon. Tu l'as? Ouais. Oui, je pense que oui. C'est ça, ouais. Dis-le. Genre, tu l'as. Ah oui, je l'ai. Ouais. C'est le condisciple de Nisargadatta Maharaj. Ils ont eu le même maître. Et quand Nisargadatta Maharaj est décédé, beaucoup d'élèves sont venus le rencontrer. Et c'est quelqu'un d'extraordinaire, vraiment extraordinaire. Je te suggère de regarder les vidéos, surtout que toi, comme tu sais, écoute, tu peux écouter l'anglais. Ah, il n'y en a que deux en français traduit, il n'y en a que deux. Alors qu'en anglais, il y en a beaucoup plus. C'est vraiment super radical. Il est beaucoup plus doux et posé que Nisargadatta Maharaj, il est beaucoup plus doux et posé que lui. Et il a enseigné très tard. Parce qu'il voulait pas forcer, il ressentait pas l'enseigner tant que Nisargadatta Maharaj était vivant. Et puis lorsqu'il est décédé, et il a connu son maître beaucoup plus longtemps. Il a connu, j'ai un bouquin de lui en français. Mais vraiment, il est vraiment extraordinaire. T'as des vidéos de lui hors du commun. Il n'y a que deux en français, traduit en français. Et il y en a peut-être une quinzaine en anglais. Vraiment, t'as l'occasion, j'aimerais bien avoir ton point de vue très radical et très. T'as mon intérêt par rapport au radical. Il y a une femme qui est à Tirunamalai qui voulait me rencontrer, qui a découvert, mais une Française qui voulait me rencontrer, puis on a eu un échange aujourd'hui. Puis venant de toi, je lui ai dit, ce que je partage, c'est radical. Parce que je t'ai entendu dire ce terme-là, puis pour moi, je vois vraiment, oui, pour moi, ce que je Oui. dis, faire la transcendance de l'ego, c'est radical. C'est radical. C'est notre réelle essence, mais de faire la transcendance de l'ego, c'est radical. Puis pour moi, exprimer pour moi ce que je vois qui sont des trappes, des pièges dans lesquels beaucoup d'approches. Maintenant, de nos jours, je suis plus capable d'écouter quasiment aucun enseignement. Je demandais à la femme qui venait aujourd'hui, quel est un enseignant qui t'inspire? Puis elle m'a dit le nom de quelqu'un. On est allé voir sur son site web. J'ai fait la même chose avec un autre quelqu'un que je guide. Je dis, on va aller prendre quelques citations. Et puis je lis ça, puis j'ai un commentaire à dire à chaque phrase. Regarde ça, ça, ça, ça. Trop d'histoire, trop d'histoire. Pour moi, ce n'est pas une question de rendre ça accessible. Si c'est juste quelques-uns qui sont dans un cheminement plus avancé et qui voient qu'ils sont pris en quelque part, ça sera juste quelques personnes. Mais pour moi, et quand j'entends ça, je questionne l'enseignant. Pourquoi mettre un enseignement qui est questionnable? Pour moi, ça questionne l'enseignant par rapport à où qu'il en est. Disons que je pense qu'il y a un enseignant, consciemment ou inconsciemment, je sais pas trop. En fait, c'est comme ça, en tout cas. Il y a déjà une volonté de séduction, parce que une séduction commerciale, si tu veux, c'est un peu inconscient, hein. Une volonté que ça puisse se plaire, être entendu, et il y a ça quand même qui se joue quand même chez un client. Ben, c'est pour ça, ben moi, si ça joue, si c'est qui fait ça, ça fait pour moi émerger plusieurs questions. C'est pour ça qu'il disait à certains d'attendre 10 ans avant de partager. C'est pas pour rien, parce qu'il y a encore beaucoup de conditionnements qui viennent s'immiscer. Pour moi, vendredi passé, j'ai fait mon dernier Satsang organisé. Maintenant, j'ai juste changé mon événement à sur demande pour chercheurs sérieux. Parce que ça faisait 2 mois que là, je faisais ça quasiment tous les jours. Je commençais à être tanné. Il y avait peu de gens qui venaient. Et puis, je voyais que ça venait pas. On restait en superficie. Et j'étais tanné. J'étais tanné. Je n'ai pas compris. Tu as tanné, quoi? Tanné, c'est en québécois, on dit ça. Je commençais à être. En avoir marre. En avoir assez. Oui, En avoir assez. voilà, j'en avais assez. Pour moi, on peut parler, mais à un moment donné, il faut que ça soit un accompagnement de pratique. C'est pas juste pour le plaisir d'écouter à propos de la vérité. C'est un accompagnement de pratique, ça. C'est juste pour s'inspirer, pour pratiquer dans la bonne direction. Puis je vois. Voilà. Les gens qui sont intéressés, ils vont venir, ils me trouveront. J'ai pas besoin d'organiser rien. Oui. C'est pour ça que. Voilà. Et puis, la femme que j'ai rencontrée aujourd'hui, elle m'a dit, s'il y a quelque chose qui en ressort de notre rencontre, c'est l'importance de la pratique. Mais j'ai vu qu'on a été 3-4 heures ensemble. Puis c'était beaucoup qu'elle voulait partager. Elle voulait partager ses expériences. Elle m'a pas posé beaucoup de questions sur comment pratiquer. C'était tellement à propos, ah, ben moi, j'ai tellement peu de chance d'être avec des gens éveillés. Je veux partager parce que je veux avoir des réponses. Mais c'est pas tant. Pour moi, si elle demande qu'on se rencontre encore, je veux dire, est-ce que tu as des questions? C'est quoi ton intérêt? C'est parce que beaucoup de gens, s'ils veulent partager, ils veulent. Mais elle a une expérience de par pratique. Elle comprend l'importance. Mais je voyais que c'était beaucoup à propos de partager ses expériences. Et pour moi, je veux dire. Je peux écouter, je suis patient, mais j'ai pas envie de ça. Je vais le faire si la personne est prête à pratiquer pour éventuellement, ça va être peut-être plus des moments de silence. Et puis si elle fait, ah, mais il y a ça qui vient. Non, mais regarde, ça c'est perçu, regarde qu'est-ce qui est derrière. Ah, OK. Souvent, quelqu'un qui saisit, qui voit ça, éventuellement, toutes les questions disparaissent. Toutes les questions disparaissent. Et puis, si ça ne mène pas à ça, pour moi, là, je vois, on reste en superficie, puis ça ne va jamais arrêter. Allez, pour moi, j'en ai assez à un moment donné. Hein. C'est parce que pour moi, c'est ça, c'est pas une business, c'est pas pour faire de l'argent. Si les gens sont ont l'élan, c'est à eux. Même au départ, avant, c'est arrivé quelques fois que je demandais, mais même ça, je me sens pas confortable de comment dire de mélanger les deux. Je préfère travailler puis pas avoir à mélanger les deux pour que le focus principal d'éveil ne soit pas que le focus soit sur la bonne chose, qu'il n'y ait pas quelque chose d'autre qui vienne distraire. Facilement, l'argent distrait. Facilement. J'ai vu ça, moi aussi. Au départ, j'étais ici, dans la salle. Je ne savais pas comment ça se produirait. Et puis, j'ai pris une salle qui me coûtait de l'argent en pensant que, tu sais, peut-être le monde viendrait et puis ça pourrait couvrir ou peut-être même il y aurait plus de dons qui viendraient. Puis, il y a peu de personnes qui sont venues. Donc, j'en suis venu à payer moi-même la salle. Mais je voyais à quel point, ah ben là, personne vient, comment il y avait de pensées qui allaient à ces choses-là. Ramana, il avait, je pense qu'il recevait beaucoup de dons, mais c'est pas à lui directement. Lui, il était dans la montagne, puis il n'a jamais même demandé. Ça n'avait pas d'importance, les bâtiments qui construisaient ou l'évolution du ashram. L'important, c'est que c'était. Ben, en fait, il n'y avait rien d'important pour lui. Parce qu'il n'y avait pas d'idée de comment les choses devaient être. D'après moi, par rapport à comment moi je le perçois, puis qu'est-ce que je peux voir par rapport à ma propre reconnaissance directe, le soi n'a pas de préférence. Oui. Ça me parle. Ça n'a pas de préférence. Les préférences viennent avec l'identification avec le corps et le mental. Mais ce conditionnement-là, il ne disparaît pas comme ça. C'est comme ce que Nisargadatta dit, de juste laisser la personnalité se... la laisser de côté, puis de rester avec le je suis. Puis on va, puis c'est pour ça qu'il pouvait crier après du monde. Puis même crier après du monde, ça peut être une bonne façon pour les supporter. Parce que les gens sont entêtés. Une bonne petite gifle, des fois, ça peut aider. Ah ben, Jessica Tamara, on donnait pas mal de gifles, apparemment. Physiquement, genre carrément, là. Alors, pas physiquement, non, non. Non. Mais il était. Verbalement, là. Très, très, assez, on dirait ordinairement colérique et explosif, c'est volcanique. Et par contre, Ranjit Maharaj était plus, apparemment, que j'ai rencontré des gens qui l'ont connu, au moins deux personnes. Plus, plus calme, mais il pouvait être très fracassant. Hein. Apparemment, c'était explosif. Ça pouvait être. Une phrase, une parole, c'était. Ben, j'ai bien hâte de découvrir Ranjit, surtout que tu me dis qu'il est radical. Et puis, je vois que Robert Adams aussi, il est radical. Puis pour moi, c'est maintenant, c'est les enseignants les seuls enseignants quasiment qui restent, qui me rejoignent dans pour moi, ce qui est des bons enseignements. Cette oui, femme. Cette femme-là, elle a été avec Arnaud Desjardins et beaucoup de genre des approches Gurdjieff et tout ça. Et elle parlait qu'il y avait des systèmes d'éducation pour les enfants, de tout ça. Puis moi, je dis, pour moi, c'est toute une distraction, ça. Comment élever les enfants, les éducations. Le soi, c'est pas relié à l'éducation. On n'a même pas besoin d'être éduqué. Regarde, je veux dire, le Ramana, quand il s'est éveillé, l'école a pris le bord. C'est à quoi bon apprendre comment bien fonctionner dans le monde? Je suis le monde. Je suis tout. Je suis tout et je suis rien. À quoi bon avoir des aptitudes à bien fonctionner dans le monde? OK, on a le monde. Le monde matériel est toujours là, on doit faire quelque chose, mais qui doit faire quelque chose? Ben là, on ne peut pas juste s'asseoir et rien faire. Pourquoi pas? On ne sait pas, c'est la destinée de Ramana qui caille à Arunachala et qui fait. Ça ne veut pas dire que tu ne vas rien faire, mais qui fait quelque chose de toute façon? Justement. Par rapport au fait de faire quelque chose, lors de notre dernier entretien, donc il y a eu cette plongée-là, et après j'ai vu que ça reprenait à faire des choses, tu sais, ça reprenait aussitôt comme un mécanisme à faire des trucs, tu vois, tchouk, tchouk, tchouk, tu vois, à bouger, machin, à faire un truc, c'est ça. Je voyais, c'était rigolo de. C'est ce mouvement-là qui. C'est comme un. On a l'image qui commence à se réveiller. Donc, tu voyais peut-être les mouvements avec plus avec la dissociation, comme. Oui, mais je voyais comme le mécanisme qui essaie de survivre un petit peu, mais survivre, qui se remet en place, qui se remet en marche, tu sais, comme. Ah oui, bien, les habitudes ne disparaissent pas. Cette activité-là, puis cette tendance à tout le temps faire quelque chose, ça ne disparaît pas. Il faut juste intégrer. Au début, c'est plus difficile de distinguer la constance que je t'ai parlé, que quand on sent qu'on s'endort, il y a quelque chose de constant. Pour être en mesure de distinguer ça, de s'asseoir puis de complètement couper, d'arrêter ce qu'on fait, ça peut faciliter la reconnaissance de ça. Mais après ça, dans l'activité, de rester avec la constance puis de voir que wow, on est bougé à droite et à gauche, mais le soi ne bouge pas, ça permet de voir, wow, ça c'est souvent, c'est une constatation qui vient. Par rapport au je suis, quand j'ai ressenti le je suis, je suis rentré dans qui perçoit ça, si tu veux, et la perception que j'ai eue, c'est que ça s'étendait encore plus, ça devenait encore plus large, plus vaste. Et et beaucoup moins lié au corps. Ça devenait beaucoup plus. Mais là, il faut que tu continues. Vois, OK. Il y avait ce qui était plus petit, puis ce qui est plus large. Est-ce qu'il y a quelque chose qui permet même de reconnaître la différence d'un à l'autre? J'ai vraiment l'impression que ce je suis est vraiment une clé importante pour moi. Vraiment un élément fondamental, une clé. D'acide, un socle. C'est la porte d'accès au soin. Quand tu as regardé Ranjit, j'aimerais bien qu'on en parle, parce que pour moi, il m'impressionne beaucoup. Hein. C'est quelqu'un qui m'impressionne vraiment énormément. Tu verras dans les vidéos, il est très vieux, très âgé. Il est venu en France, il avait déjà eu deux ou trois crises cardiaques. Je le sais par quelqu'un qui a parlé de ses disciples. Hein. Il est vraiment très très âgé, hein. Surtout qu'il a enseigné tard, mais il est vraiment l'impression que c'est bon. C'est vraiment l'infini qui te parle, l'infini. Tu vois ce que je veux dire, l'infini. Moi, Tu parles de c'est Ranjit, là, l'infini, ou là, tu parles de ce qui est... de Ranjit. Ah, mais oui, je vais regarder, puis à notre prochaine rencontre, je pourrai te faire part Ah oui. de mes impressions. Un plaisir, un plaisir. L'infini et en même temps la non-existence. Chose qui, quelque part, qui c'est la non-existence. M'a noté que tu ne connaissais pas. C'est pas pourquoi je me suis dit, Mais il n'est pas. j'ai peut-être lu déjà de ces citations parce que ce nom me paraît pas complètement inconnu, mais je pense que j'ai jamais vu ces vidéos, j'ai peut-être vu ces une citation de lui en quelque part. Mais je vais regarder une de ces vidéos pour voir. Ouais. Il faut que j'explore plus le je suis, là, ce je suis. C'est drôle, ce que tu perçois, c'est peut-être sous mon interprétation, c'est comme si ce je suis, ça serait relié à une vibration, si tu veux. Tu vois, quand Ramana, à un moment, dans son milieu, Ramana, il parle de vibration. À un moment, il parle de vibration par rapport au jeu, par rapport au son. C'est comme si, ça, c'était un peu les mêmes. Comme un bâton avait deux bouts, tu sais. C'est la même chose. Ouais, une énergie, une vibration, il y en a qui... La vitalité. Mais moi, mon focus est pour ce qui perçoit, même ce qui perçoit. Mon intérêt, c'est la source de la vibration. Parce que la vibration est rattachée au corps. Oui. Je veux dire, de rester avec cette vibration-là, puis de ne pas t'associer avec le passager, les pensées, tout ça. Et juste de rester avec ça, pour moi, c'est une très bonne pratique. Et puis, par moment, juste regarder de qu'est-ce qui perçoit cette vibration? Quelle est la source de la vibration? Puis là, tu t'attends à aucune réponse. Tu n'as aucune attente. C'est pas, tu laisses de côté toute réponse que le mental peut te donner. Et puis ça, c'est juste une invitation au regard intérieur. Et puis de juste de regarder à quelques reprises dans cette direction-là. Puis c'est ça. On peut dire que les choses perçues naissent de cet endroit-là, un peu comme venant d'une matrice. Je t'entends, oui. Tu vois. Tu m'entends? Moi, je t'entends aussi, mais je t'entends, mais je te vois pas, par contre. Ah. Je t'entends bien, mais je te vois pas. Voilà. Ah, ok. Ouais, c'est bon. Tu vois un peu, ouais, c'est bon. Ouais, la Ouais. connexion est un peu instable. Ce que j'ai perçu pendant quelques secondes, ouais, bon, c'est correct, hein. Bon, bon. Tu vois bien, ça va? Ouais, je te vois bien. Do you use internet? Maybe you OK. Je dis que j'ai perçu pendant quelques secondes. Que j'ai perçu pendant quelques secondes, c'est comme si de cet endroit-là, les choses hébergées, comme s'il y avait une sorte de matrice, originelle, les choses hébergeraient de là. Les choses naissent de ça, par quelques secondes. Ouais, deux secondes. La source des vibrations. Oui, il y a cet endroit-là, cette source de vibration, comme genre d'espace. Et les choses naissaient de ça, ça sortait de là. Ça apparaissait, ça sortait de cet endroit-là, tu vois. Il y a encore une image, Non, donc l'important, c'est plutôt de rester avec la source plutôt que d'essayer d'en venir à expliquer. Parce que toute explication, c'est qui C'est qui le dit? C'est qui le partage? C'est juste une description mentale et puis c'est comme une photo de quelque chose. Mais si c'est juste dans le but de s'assurer que c'est la bonne chose, ça a définitivement sa place, mais c'est comme vraiment de mettre de côté toute conclusion puis de rester dans le ressenti de ce qui ne peut pas être sentir. De rester dans le ressenti de ce qui ne peut pas être ressenti. C'est juste une mijotation de okay, où est la source, quelle est la source, puis de rester là-dedans. Donc, en quelque part, je pourrais venir et confirmer que oui, c'est la source de tout. Mais qui sait ça? Si c'est un constat sans constatateur, OK, mais il faut continuer à regarder quelle est la source de cette pensée qui décrit la source. D'où émerge cette pensée qui décrit d'où toute pensée émerge? Faut continuer à chaque pensée voir ah, quelle est la source de parce que sinon on commence à s'intéresser à une description puis de là le connaisseur ça maintient le connaisseur puis le je ça le perpétue donc pour ça il faut tout le temps revenir à la source jusqu'à temps que il y a des moments où il n'y a plus aucune activité puis même une description fait plus de sens. C'est pour ça qu'il dit c'est indescriptible. Mais comment ça se fait que je peux faire des satsangs pendant 2 heures puis te parler de ça? Mais l'important, c'est pas à propos de comment j'en parle, mais en tant que quoi j'en parle. Pour moi, j'en parle pas. Il y a personne qui en parle parce que ce processus-là de revenir à la source est continu. Qui empêche cette identification-là de se faire. Donc, en tant que rien, ces mots-là sont dits. C'est vraiment limité de dire ça. En tant que rien, ces mots sont dits. Mais c'est comme ça. Parce que, bien fait, comme si ce rien, c'est finalement le plus grand qui puisse être touché, le plus grand. Ce rien, c'est vraiment, c'est le vrai grand, c'est le vrai, il n'y a que ça qui a de la valeur, en fait. Voilà, parce que tout provient de là. Tout provient de là. C'est l'origine. C'est qui on est. Ça a juste été couvert de croyances. Et puis, quand on fait cette introspection, les croyances qu'on est le corps et l'esprit peuvent se dissoudre dans rien. Et puis, ce qui a toujours été révélé. Et puis, ça n'a aucun problème. Ça ne doit pas s'éveiller. Ça ne doit pas changer rien du manifesté. C'est juste en repos continu parce que qu'est-ce qu'on peut dire de rien? Donc, quand j'en parle, pour moi, c'est juste un rappel d'y revenir. Pas pour apporter à plus de connaissances à propos de ça, mais c'est une invitation à y revenir. Puis la pratique, c'est une invitation à y revenir à chaque moment. Parce que l'identification avec le contenu, c'est un automatisme. Puis c'est pour ça le désir de revenir à ce qui est plus de valeur, le rien. Parce qu'on a vu beaucoup de fois que ce qui est manifesté, c'est pas satisfaisant. C'est bon pour un moment, mais après ça devient son opposé. Ce qui est bon contient la graine de son opposé. La source, le rien, c'est comblé parce que ça c'est pas attaché à quoi que ce soit. C'est auto-comblé. Ça manque rien. C'est pas attaché à quoi que ce soit. Et c'est qui on est et c'est pas nouveau. Donc, il peut, par ces mots entendus, il peut avoir des relaxations dans le corps. Il peut avoir beaucoup de choses qui se manifestent, des énergies qui se concentrent à certains endroits, mais tu perçois tout cela. Donc, tu es antécédent. Il y a une constance parmi tous ces phénomènes corporels. Il y a quelque chose de constant. C'est subtil, mais c'est tout le temps là. Et puis, c'est une invitation à reconnaître ça. Et puis, dans ces échanges-là, ça facilite la reconnaissance. Mais après ça, dans ta vie, c'est avoir de plus en plus ces moments de reconnaissance-là. Puis ça va être la reconnaissance de soi qui est auto-comblée. Et puis ça va être juste un rappel de revenir chez soi. Revenir chez soi, ah, on est tellement bien ici. Il n'y a rien, on est protégé parce qu'il n'y a rien qui peut nous toucher. C'est de revenir à soi. Revenir à soi. C'est compris. Voilà, c'est complet, ça peut, parce que ça manque, ça peut rien manquer. C'est rien, donc il n'y a rien. Ça manque rien. Tu peux l'appeler de différentes